J'suis dans les ex-cours, j'ai les yeux rouges comme la West Coast. C'est que je flex gros, si je veux gros je les explose. C'est que je flex gros, si je veux gros je les explose. Prisonnier des finances, c'est du pilon que j'ai. Tous les matins je me dis que je stoppe, tous les soirs je suis foncé. Et j'dis pas prends pas de c'est, mais les délires sont spés. 2018, refait le monde se ruit, je sais. J'ai gardé mon ce que moi pour pas changer. Les jaloux m'ont critiqué comme si je trimais pour eux. Faudra plus qu'une mauvaise aide pour me voir franchi. Ils voudraient me voir fini, mais c'est fini pour eux. Ah oui, faut me distraire, bronzer en bord du soleil. La R27 est payée, je me vois compter les billets. Je sais pas savoir ce que t'as fait, du moment que tu me l'as payé. Je sais pas savoir ce que t'as fait, du moment que tu me l'as payé.